pas encore en bout de route. Ces kilomètres m'ont mis le doute. Je compte sur aucun coup de pouce, encore moins sur un coup de chat. Je me suis fait seul tout. Personne ne m'a tendu la main, sinon j'y aurais pris le bras. J'ai grandi comme ça, ne m'en voulais pas. Je regarde mon parcours, la street, la school, le rap, les amis, les frères que j'ai perdu de vue, puis dans l'oubli. J'ai passé mon temps à roupiller au lieu de prendre des roupies. Appris à encaisser les coups de la vie comme les loupies. Mais à la trentaine, je pense plus comme un égoïste. J'ai passé la moitié de ma vie à l'ego trip. Maintenant j'ai des responsabilités, je dois assumer pour mes enfants. Maintenant je dois assurer un avenir sur des bases solides. Arrêter de regarder dans le passé, pour moi c'est avancer sans risque, sans rire. Je crois que j'ai grandi depuis la naissance de ma fille et mon fils. J'ai enfin trouvé un sens à ma vie. Parcours d'une vie, fuir les tracas, les soucis. Certains traquent le bonheur, moi les raccourcis. Les temps sont durs quand les journées raccourcissent. La réalité te rattrape quand tes rêves cessent. Nous demande pas si on mène une vie de rêve, quand dans nos têtes, c'est déjà on vit, on crève. C'est le bordel, et ça on sait, malgré ça on gère, et pour le moment ça le fait. Si j'avais su que ma vie ne ressemblerait pas à mes rêves de gosse, j'aurais sûrement pris peur. La peur d'échouer en n'ayant pas la force. Juste expliquer que les choix qu'on fait sont déterminants. Mais si seulement on me l'avait dit, j'aurais pris plus de temps. Je me serais assuré un bagage pour mon avenir, un truc exceptionnel. N'être pas qu'une tête au fond que personne aime. Suivi d'un CV fait de diplômes et de bons points. Ça va de soi, c'est sensiblement un de plus personnel. J'avoue être dans le flou autant que je suis dans le sincère. Guidé par une force qu'on appelle Allah, Bouddha ou Saint-Père. Mais tristement célèbre pour mes jeux de mots. Malgré la vie que je mène, je suis resté minot avec un œil sérieux sur mon rôle de père. J'oublie pas le passé ni les gens avec qui je suis fâché. Je reste responsable sur mes actes et mes activités. Constamment dans le doute, j'écris pour me sentir exister. Même attristé, accablé de défaite, je suis né pour me dépasser. Parcours d'une vie, fuir les tracas, les soucis. Certains traquent le bonheur, moi les raccourcis. Les temps sont durs quand les journées raccourcissent. La réalité te rattrape quand tes rêves cessent. Nous demande pas si on mène une vie de rêve, quand dans nos têtes, c'est déjà on vit, on crève. C'est le bordel, et ça on sait, malgré ça on gère, et pour le moment ça le fait. J'm'imaginais des choses simples, remplies de clarté et de lumière. Apaisées de mes pensées lunaires, sur un tracé sans poussière, sans œillère. Le juste nécessaire, en bandoulière. Loin de mener la vie d'un vulgaire chat de gouttière. Depuis j'ai bâti ma vie, que j'ai bâclé à coups de pierre. En pensant que ça ferait l'affaire, avec le temps j'ai compris. Difficile de lier les envies avec les compromis. L'attente des promotions, les belles promesses aujourd'hui. Dis-moi où est ma terre promise, où sont les visages remplis de croquis. En tout cas j'fais tout pour, j'suis loin d'avoir tout vécu, d'avoir ramasser le pécule, en gros avec le recul. Je fais tout ce que je peux pour faire court, c'est mon parcours. Je fais du mieux que je peux, j'ai encore du temps pour être vieux, pour faire mieux. En attendant, je fais comme tout le monde en silence. Ticket en main, je fais la queue. Parcours d'une vie, fuir les tracas, les soucis. Certains traquent le bonheur, moi les raccourcis. Les temps sont durs quand les journées raccourcissent. La réalité te rattrape quand tes rêves cessent. Nous demande pas si on mène une vie de rêve, quand dans nos têtes, c'est déjà on vit, on crève. C'est le bordel, et ça on sait, malgré ça on gère, et pour le moment ça le fait. Parcours d'une vie, fuir les tracas, les soucis. Certains traquent le bonheur, moi les raccourcis. Les temps sont durs quand les journées raccourcissent. La réalité te rattrape quand tes rêves cessent. Nous demande pas si on mène une vie de rêve, quand dans nos têtes, c'est déjà on vit, on crève. C'est le bordel, et ça on sait, malgré ça on gère, et pour le moment ça le fait. Parcours d'une vie, fuir les tracas, les soucis. Certains traquent le bonheur, moi les raccourcis. Les temps sont durs quand les journées raccourcissent. La réalité te rattrape quand tes rêves cessent. Ne me demande pas si on mène une vie de rêve, quand dans nos têtes, c'est déjà on vit, on crève. C'est le bordel, et ça on sait, malgré ça on gère, et pour le moment ça le fait.